À l'occasion du 40e anniversaire de la publication de l'œuvre classique du président Kim Il-sung, Thèse sur l'enseignement socialiste, le Comité suisse-coréen et le Cercle suisse d'études des idées du Juche ont publié une déclaration commune. La déclaration note que le président Kim Il-sung a publié le 5 septembre 1977, il y a 40 ans, l'œuvre classique « Thèse sur l'enseignement socialiste » qui montre clairement la supériorité du régime de l'enseignement socialiste par rapport au régime de l'enseignement capitaliste.